Tableau de la nature de François-René de Chateaubriand. 6. Nuit d'automne. Mais des nuits d'automne, goûtons les douceurs, qu'aux aimables fleurs succèdent pomone. Le pâle couchant brille encore à peine, de Vénus qu'il mène l'astre va penchant. La lune emportée vers d'autres climats ne montrera pas sa face argentée. De ses peupliers, au bord des sentiers, les zéphyrs descendent, dans les airs s'étendent, effleurent les eaux, et de ses ormeaux raniment la sève. Comme une vapeur, la douce fraîcheur de ses bois s'élève. Sous ces arbres verts, qu'un vent frais balance, j'entends en silence leur léger concert. Mollement bercée, la voûte pressée, en dôme orgueilleux, serre son ombrage, et puis, s'entr'ouvrant, du ciel lentement, découvre l'image. Là, des nuits, l'azur, dans un cristal pur, déroule ses voiles, et le flot brillant coule en sommeillant sur un lit d'étoiles. Ô charme nouveau, le son du pipeau dans l'air se déploie, et du fond des bois m'apporte à la fois l'amour et la joie. Près des ruisseaux clairs, au chaume d'Adèle, le pasteur fidèle module ses airs. Tantôt il soupire, tantôt il désire, se tait, tour à tour, sa simple cadence me peint son amour et son innocence. Dans son lit heureux, la pauvre, attentive, écoute, pensive, ses sons dangereux, le drap qui la couvre, loin d'elle, a roulé. Et son œil, troublé, mollement s'entr'ouvre. Tout entière au bruit qui, pendant la nuit, la charme et l'accuse, Adèle, en vainqueur, son aveu refuse et donne son cœur.